Après une pause, le moniteur continue. Vous connaissez le conte de fées de Barbe Bleue? Oui, pourquoi? Demande Julien surpris. Parce que Barbe Bleue a également vécu en Auvergne, peut-être sur le mont qui est là, juste devant vous. J'imagine que c'était un homme cruel. Oui, très, très cruel. On raconte qu'il a massacré toutes ses femmes dans son château. Mais un soir, on a découvert son corps déchiqueté par les loups. Et pendant des années, on l'a entendu hurler dans les bois. Son âme ne pouvait pas trouver la paix. Ouh, ouh ! Crie Daniel d'une voix qui imitait le hurlement du loup. Je suis Barbe Bleue et je vais vous enlever dans mon château. Tout le monde rit. À propos de château, pourquoi on n'y va pas ? Demande Luc enthousiasmé. Peut-être qu'il y a encore un vrai fantôme. C'est bien possible. Et maintenant, rangez vos affaires et hop, dans les sacs de couchage. Il est déjà tard. Avec un peu de mauvaise volonté, la bande fait ce qu'Alex demande et une demi-heure plus tard, le calme est revenu. Hé, Julien, tu dors ? Demande Sébastien. Non, pourquoi ? Écoute, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu penses d'une petite excursion dans la forêt ? Quoi ? Ça ne va pas ? Tu sais quelle heure il est ? Oh, la nuit est si belle ! C'est l'occasion ou jamais ! Oh, je ne sais pas. Tu as peur de Barbe Bleue ? Que tu es bête. Alors viens ! Tout doucement, ils sortent de leur sac de couchage, mettent leurs vêtements, prennent leur lampe de poche et quittent la tente sans faire de bruit. Tout est calme. Regarde le trou dans la clôture. Passe le premier. Je te suis. Tous les deux se glissent par l'ouverture étroite. Tu vois, c'est très facile, remarque Sébastien.